et qui pisait plutôt fait le contraire. Et de ce vient que bataille obstinée aide dans l'homme et ne sera affinée tant qu'il aura vie dessus la terre. Avec toute la supériorité de son incomparable harmonie, Racine dira « Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle, l'autre à tes volontés rebelles. Me révolte contre ta loi. » Madame, voilà deux hommes que je connais bien, dit Louis XIV en se tournant vers Madame de Maintenon, lorsque les jeunes personnes de Saint-Cyr chantèrent devant le roi ce cantique qui avait été composé pour elle. Les comédies religieuses de Marguerite, intitulées La Nativité de Jésus-Christ, L'Adoration des Trois Rois, Les Innocents, Le Désert, sont en quelque sorte les quatre actes d'un même drame sacré. On y sent une fraîcheur d'inspiration qui rappelle les vieux Noëls. Le culte que Marguerite y professe pour la Sainte Vierge contraste avec les idées luthériennes que nous retrouvons jusque dans cette partie de ses œuvres. Un critique a dit de Marguerite qu'elle avait dans ses poèmes le mouvement et le cri. Ce mouvement, ce cri, nous les surprenons plus d'une fois dans les scènes que Marguerite fait passer sous nos yeux. La nativité est remplie de pittoresques animations, de grandeur religieuse et de simplicité pastorale. Joseph et Marie cherchant un abri à Bethléem, le refus des hôteliers, les tables sur lesquelles veillent Dieu et les anges, la prière de la Sainte Vierge, son ineffable émotion en mettant au monde le Verbe fait chair, puis le colloque des bergers, le Gloria in excelsis que chantent les esprits célestes et auquel répond le Noël des pasteurs, les naïves offrandes que ceux-ci portent à l'enfant Dieu, les combats que Satan livre à leur pauvreté et dont triomphe leur foi. Tout cela nous charme, nous émeut, et nous ne pouvons que regretter que l'inspiration du poète ne se soutienne pas jusqu'à la fin de ce délicieux Noël. Je remarque dans l'adoration des trois rois la majesté d'un début où la reine de Navarre imite heureusement Job et le psalmiste. L'œuvre dramatique des Innocents contient aussi des beautés de détail. Quelle confiance religieuse dans ces paroles de la Sainte Vierge fuyant vers l'Égypte avec le divin enfant. Dieu est ma force et mon courage, par quoi en lui me sens si forte, que sans travail en ce voyage porterait celui qui me porte. Dans ce poème, Marguerite a noblement fait interpréter par une des femmes d'Israël la fierté de la mère, qui est l'ouvrière du grand facteur, pour produire l'homme créé à l'image de Dieu. Il n'est en lui que la femme n'oublie, quand elle voit que le haut créateur de tel honneur l'a ainsi anobli, que l'ouvrier, elle est du grand facteur, dedans lequel lui, de tout bien auteur, forme l'enfant à sa similitude. C'est au moment où les pieuses femmes exaltent leur maternité que leurs enfants sont massacrés dans leurs bras. Marguerite a bien rendu leur déchirante douleur. C'est encore par une heureuse idée qu'elle nous montre l'enfant d'Hérode tué avec les nouveau-nés. Hérode l'apprend alors qu'il croit triompher du nouveau roi qu'il redoutait, et sa douleur paternelle vengerait le désespoir des pauvres mères, si l'ambition satisfaite ne domptait son chagrin. Marguerite fait ensuite entendre les plaintes de Rachel. Mais que ces plaintes sont froides! Pourquoi tant de théologie? Ah, que j'aime bien mieux la sublime concision de l'Évangile! C'est Rachel pleurant ses enfants, et ne voulant pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Marguerite est mieux inspirée lorsqu'elle fait retentir au paradis le cœur des innocents. Et lorsque dans le désert, des vers remplis de fraîcheur et de grâce évoquent le groupe de la Sainte Vierge servi par les anges. Reçois ces fleurs aux blanches fleurs de lys. La reine de Navarre est bien catholique dans ses hommages rendus à la Mère de Dieu. Elle l'est aussi à cette heure de suprême angoisse, où prosternée dans l'église de Bourg-la-Reine, elle implore du Seigneur la guérison de sa fille mourante et qu'elle entend une voix intérieure qui lui dit que son enfant est sauvé. Elle est catholique lorsqu'elle honore les reliques des saints, lorsqu'elle protège les filles de Sainte-Claire, lorsqu'elle fonde le monastère de Tusson, où elle passe des retraites et où elle exerce même au cœur les fonctions d'abbesse. Elle est catholique enfin lorsqu'elle reconnaît l'efficacité de la prière pour les morts. Suivons la reine de Navarre quand, sur le déclin de sa vie et conduisant dans l'église de Pau le jeune capitaine de Bourdeille, elle l'arrête sur une pierre tombale. Et lui prenant la main, lui adresse ses expressives paroles. « Mon cousin, ne sentez-vous point rien mouvoir sous vous et sous vos pieds ?»« Non, madame, mais songez-y bien, mon cousin. Madame, j'y ai bien songé, mais je ne sens rien mouvoir, car je marche sur une pierre bien ferme. » Mais la reine reprit. « Or, je vous advise que vous êtes sur la tombe et le corps de la pauvre mademoiselle de La Roche, qui est ici dessous vous enterrée, que vous avez tant aimé, et puis que désarmant du sentiment, après une autre mort, il ne faut pas douter que cette honnête créature, morte de frais, ne se soit émue aussitôt que vous avez été sur elle. Et si vous ne l'avez sentie à cause de l'épaisseur de la tombe, ne faut douter qu'en soi ne se soit émue et ressentie. Et d'autant que c'est un pieux office d'avoir souvenance des trépassés, et même de ceux que l'on a aimés. Je vous prie lui donner un paternoster et un Ave Maria et un De Profondis, et l'arroser d'eau bénite. » Demander pour une morte les prières de l'homme qui l'avait aimée et oubliée, c'était là une des pensées délicates qui ne pouvait naître que d'un cœur de femme. Mais ne nous y arrêtons pas. Remarquons seulement que la femme qui réclamait pour une trépassée le secours de la prière n'était plus une disciple de Luther, et qu'elle ne ressemblait pas non plus à cette philosophe que Brantôme nous montre ailleurs, doutant de la vie éternelle, se tenant auprès d'une mourante pour chercher à voir s'exhaler le souffle immortel. Je ne nie pas que Marguerite n'ait eu quelques fugitifs éclairs de scepticisme. Nous en retrouvons un à la fin d'un de ses rares poèmes, qui est l'allure légère de ses contes. Trop, prou, peu, moins. Mais ce n'était là que les écarts d'une imagination à reflets multiples, qui n'avait pas reçu en vain l'influence d'un siècle où l'esprit, merveilleusement ondoyant et divers, s'habituait à cette question. Que sais-je ? Néanmoins, sous une forme agitée, mobile, l'âme de Marguerite était naturellement croyante, et Brantôme nous dit que la reine de Navarre réprimait ses doutes par d'humbles actes de foi qui la soumettaient à Dieu et à l'Église. À la mort de son frère, nous verrons que les espérances de la vie éternelle furent son unique soutien, que la foi de sa jeunesse était devenue la consolation de ses dernières années. Mais alors, même qu'elle fût catholique de cœur, elle continua d'implorer la grâce des persécutés. C'était le même sentiment de charité évangélique qui lui avait fait prendre en Navarre le titre et l'office de ministre des pauvres, et qui lui avait fait fonder ou encourager des établissements de bienfaisance. Elle crée à Paris l'hôpital des Enfants Rouges pour les orphelins. Elle fonda Essay, dans l'ancien château de Plaisance des ducs d'Alençon, une maison de filles pénitentes. Elle dote les hôpitaux d'Alençon et de Mortagne. Toute sa vie, elle mérita l'éloge funèbre que devait faire d'elle Charles de Sainte-Marthe. Marguerite de Valois, sœur unique du roi François, était le soutien et appui des bonnes lettres et la défense, refuge et réconfort des personnes désolées. Ce fut par cette double influence que sa tendresse donna à François Ier tout ce qu'il eut de bon en lui. Il dut particulièrement à cette influence son surnom de père des lettres. Bien que Marguerite prétendît lui être redevable de tout, hors d'amour, le roi ne mérita pas toujours cette reconnaissance. Il immola à la politique l'amour maternel de Marguerite pour Jeanne d'Albret, et fit élever loin d'elle cette fille unique enfant qui lui resta. Mais dans les dernières années de François Ier, quand tout se décolora autour de lui, il sentit plus que jamais le prix de cette affection qui ne s'était jamais démentie. Malade de corps, désenchanté de la vie, il appela à lui, comme autrefois dans sa captivité, sa sœur, sa meilleure amie. Il se reprit à l'existence en retrouvant l'âme de sa vie. De nouveau, le frère et la sœur s'unirent dans le culte de l'art. Ils recommencèrent les douces causeries d'autrefois. Ce fut pendant sa convalescence qu'au château de Chambord, le roi, appuyé sur le bras de Marguerite et entendant sa sœur exalter le mérite des femmes, écrivit sur la vitre avec le diamant de sa bague « Souvent femme varie, malhabile qui s'y fit ». C'était l'amant de la duchesse d'Étampes qui jugeait ainsi de la femme. Ce n'était pas le frère de Marguerite. Les folles amours sont passagères, la tendresse fraternelle demeure. Marguerite était revenue en Navarre. Elle était dans son monastère de Tusson quand, une nuit, le roi lui apparut en rêve. Il était pâle, il l'appelait « Ma sœur, ma sœur !» La reine, saisie d'un douloureux pressentiment, envoie à Paris courrier sur courrier. Elle redisait alors, non plus dans la forme poétique qu'elle avait employée sur la route de Madrid, mais dans une prose que sa trivialité ne rendait que plus touchante. « Quiconque viendra à ma porte m'annoncer la guérison du roi, mon frère, tel courrier fut-il là, harassé, fangeux et malpropre, je le dirais baisé et accolé, comme le plus propre prince et gentilhomme de France. Et quand il aurait faute de lit et n'en pourrait trouver pour se délasser, je lui donnerais le mien et coucherais plutôt sur la dure pour telle bonne nouvelle qu'il m'apporterait. Mais le messager de joie ne devait pas venir. François Ier était mort. On le cachait à Marguerite. Un mot d'une folle le lui apprit. Elle tomba à genoux. Elle accepta le sacrifice. Mais elle devait en mourir. Marguerite ne sait plus que faire, sangloter sa douleur dans ce rythme poétique qu'elle a si souvent employé autrefois. Partout ici-bas, elle voit tristesse, douleur. Son mari, qui sentira après sa mort combien elle lui était chère et de bons conseils, son mari ne la rend pas heureuse. Sa fille élevée hors de sa garde n'a pour elle que de l'indifférence. Elle est seule. Je n'ai plus ni père ni mère, ni sœur ni frère, sinon Dieu, seul auquel j'espère. De la terre, elle n'a plus que des souvenirs, amère consolation, comme l'a si bien dit le poète dont Marguerite répète le gémissement. Douleur n'y a qu'au printemps de la misère, se recorder de l'heureux et prospère, comme autrefois en Dante j'ai trouvé, mais le sait mieux pour avoir éprouvé félicité et infortune austère. Chrétienne alors dans toute l'acceptation du mot, Marguerite s'appuie sur la croix. Je cherche autant la croix et la désire, comme autrefois je l'ai voulu fuir. Adieu, mamie, car je m'envoie chercher la vie, dedans la croix. Cette reine qui n'a plus qu'un amour, Dieu, qu'un appui, la croix, n'a plus qu'une espérance, la mort qui la réunira à son frère. Cette mort, elle l'attend, elle l'appelle. Elle aspire à goûter l'odeur de mort. Elle avait peur de la mort autrefois, mais la mort est la porte et chemin, sœur, par où il faut au Créateur voler. Détachée de tout ici-bas, Marguerite aspire au seul lien qui ne se rompe jamais, l'union de l'âme avec notre Seigneur. Elle attend les noces éternelles. Seigneur, quand viendra le jour tant désiré, que je serai par amour à vous tirer, ce jour des noces, Seigneur, me tarde tant, que de nul bien ni honneur ne suis content. Du monde ne puis avoir plaisir ni bien, si je ne vous y puis voir, là je n'ai rien. Essuyez des tristes yeux le long gémir, et me donnez pour le mieux un doux dormir. 2 ans après la mort de son frère, le jour des noces éternelles arriva pour Marguerite. Elle eut quelque effroi, mais elle se résolut au suprême sacrifice. Ainsi disparut de la terre la perle des Valois. Vivante, les écrivains qui l'appelaient leur mécène l'avaient entourée de leurs hommages et se plaisaient à lui dédier leurs œuvres. Esprit abstrait, ravi et estatique, dit Rabelais en dédiant à cet esprit le 3e livre de Pantagruel. Mais l'éloge de Marot dut plus sourire à la protectrice du poète, corps féminin, cœur d'homme et tête d'ange. Erasme, qui envoie à Marguerite des épîtres latines, loue en elle prudence digne d'un philosophe, chasteté, modération, piété, force d'âme invincible, et un merveilleux mépris de toutes les vanités du monde. Étienne Dolay s'adresse à Marguerite comme à la seule Minerve de France. « Tu seras, lui dit-il, recommandé à la postérité par les louanges de cette troupe illustre des fils de Minerve, qui se sont abrités sous ta protection au loin répandue. » À la mort de Marguerite, l'un des plus intéressants hommages qui furent rendus à sa mémoire arriva d'Angleterre. 3 jeunes Anglaises, 3 filles des Seymour, écrivirent 100 distiques latins en l'honneur de la reine de Navarre. Mais de toutes les voix poétiques qui chantèrent l'illustre morte, nulle ne fut mieux inspirée que celle de Ronsard. Pour célébrer cette exquise créature au simple et gracieux parler, le poète oublia la boursouflure ordinaire de son style, et devint naturel et touchant, comme avait su l'être Marguerite. Ronsard ne veut pas qu'on lui élève un fastueux tombeau, et dans des accents d'une ravissante fraîcheur, il en indique un autre. Les reins, le marbre et le cuivre font tant seulement revivre ceux qui meurent sans renom, et desquels la sépulture presse sous même clôture le corps, la vie et le nom. Mais toi, dont la renommée porte d'une aile animée par le monde tes valeurs, mieux que ces pointes superbes te plaisent les douces herbes, les fontaines et les fleurs. Vous, pasteurs, que la Garonne d'un demi-tour environne, au milieu de vos prés verts, faites sa tombe nouvelle, et gravez l'herbe sur elle, du long cercle de ses vers. Ici la reine sommeille, des reines la non pareille, qui si doucement chanta. C'est la reine Marguerite, la plus belle fleur d'élite, conque l'aurore enfanta. Je me suis attardé à la suite de Marguerite. J'ai subi l'attraction que la séduisante princesse exerce depuis 3 siècles. On l'a dit avec raison. Marguerite d'Angoulême, comme Marie Stuart, est l'une de ces rares créatures qui ont le privilège de l'éternelle jeunesse, et que, par-delà les siècles, nous aimons comme si nous les avions connues. En m'étendant ainsi sur ce qui concerne la reine de Navarre, je n'ai pas oublié non plus qu'en elle s'est personnifié pour la première fois complètement l'esprit français dans sa grâce, dans sa finesse enjouée, dans sa délicate sensibilité, enfin dans ses mélancolies. Ces mélancolies que l'on dit modernes, mais qui datent du Moyen-Âge, et de plus loin encore, qui n'ont disparu pendant 2 siècles de notre littérature que sous l'influence croissante de l'école classique. Pour une femme, ce n'est pas un mince honneur que d'avoir été le premier miroir où s'est réfléchi dans ses faces multiples l'esprit d'une nation. C'est une gloire que je ne pouvais manquer d'enregistrer à l'actif de la femme française. Pour les lettrés délicats, l'heptaméron seul doit être compté à Marguerite comme titre littéraire. Si j'écrivais une histoire de la littérature française, je ne pourrais que souscrire à ce jugement des maîtres. Mais dans une étude consacrée à la femme, on me permettra, au point de vue de la beauté morale, d'élever au-dessus de ses contes les œuvres où Marguerite nous fait respirer avec le parfum de sa tendresse fraternelle, ce souffle de spiritualisme qui ne se trouve que ça et là dans l'Heptaméron. Les dons de l'esprit furent héréditaires dans la race des Valois. L'impulsion féconde que les femmes de cette maison donnèrent aux lettres se propagea même à l'étranger. Témoin une autre Marguerite, nièce de la première, fille de François Ier, sage et savante comme la Minerve, dont le nom lui fut aussi bien donné qu'à sa tante, et qui, duchesse de Savoie, attira dans sa nouvelle patrie les écrivains qu'elle avait encouragés en France. En appelant à Turin les jurisconsultes les plus éminents, elle donna à l'étude du droit une direction lumineuse, et vraiment digne de l'équitable princesse qui fut surnommée la mère des peuples. Une troisième Marguerite, la fille de Henri II, moins pure que les deux autres, avait leurs brillantes facultés intellectuelles. Comme Marguerite d'Angoulême, elle fit des vers, et comme sa grand-tante aussi, elle dut la célébrité à une œuvre en prose. Dans ses mémoires, elle nous a laissé un modèle exquis des productions de ce genre. Elle ne s'y est pas seulement dépeinte, avec cette naïveté, cette ressemblance qui donne aux autobiographies du XVIe siècle un si puissant attrait psychologique. Mais la langue française apparaît déjà dans cette œuvre, non plus avec l'abondance parfois excessive de cette époque, mais avec cette précision, cette élégante sobriété qui s'unissent à la grâce et au naturel dans la prose du XVIIe siècle. Ne quittons pas les femmes des Valois, sans nommer une princesse étrangère de naissance à leur race, mais qui y fut alliée par le mariage et qui occupa un moment le trône de France. Élevée dans notre pays, Marie Stuart était bien réellement une princesse française. Ce fut à cette patrie adoptive qu'elle dut la forte instruction qui lui permettait, jusqu'à la composition du discours latin. Ce fut la France qui lui donna la langue qu'elle écrivait et parlait avec art. Elle maniait la prose avec éloquence et mêlait ses chants lyriques à ceux des poètes qu'elle aimait, Ronsard, Du Bellay. Elle chanta les regrets de son veuvage et les douleurs plus poignantes de son exil. En vain la critique discutera-t-elle l'origine de la plus célèbre de ses poésies. C'est toujours sur les lèvres de la jeune et belle reine que la postérité aimera à placer ses strophes si touchantes et demeurer si populaires. Adieu, plaisant pays de France, ô ma patrie la plus chérie, qui a nourri ma jeune enfance. Adieu, France, adieu, mes beaux jours. La nef qui disjoint nos amours n'a si de moi que la moitié. Une part te reste, elle est tienne. Je la fis à ton amitié pour que de l'autre il te souvienne. La France a répondu à ce vœu plein de larmes, et dans notre pays, Marie Stuart trouvera toujours, quelles qu'aient pu être ses fautes, des plaidoyers qui vengeront sa mémoire, des yeux qui pleureront ses malheurs. La maison de Bourbon qui allait monter sur le trône avec Henri IV comptait elle aussi des princesses qui donnèrent l'exemple du labeur intellectuel. Gabrielle de Bourbon, dame de la Trémouille, qui vécut à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe, ne regardait les lettres que comme un apostolat qui lui permettait de mieux remplir ses devoirs domestiques et d'étendre au-delà du foyer l'influence de la femme chrétienne. Avec des ouvrages de piété, elle écrivit un traité intitulé « Instruction des jeunes filles ».